Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Pré 1860. Question 5. Du bon, en général. Identité du bon et de l'être, en quoi ils diffèrent, que le bon implique un mode, une espèce et un ordre, que l'honnête, l'utile et l'agréable sont ces trois catégories. Avant de parler de la bonté de Dieu, considérons un moment la nature du bon, en général. 1. Le bon, dans la réalité des choses, diffère-t-il de l'être? Quoique le bon ne soit pas la même chose que l'être, dans notre manière de le concevoir, il n'en diffère pourtant pas en réalité, il y ajoute seulement une idée d'appétibilité qui fait dire au philosophe, le bon est-ce que tous les êtres désirent. Mais, comme les choses sont appétibles en raison de leur perfection, ainsi qu'on le voit par l'aspiration de chacune d'elles vers son propre perfectionnement, et qu'elles tirent toute leur perfection de leur propre actualité, il s'ensuit qu'elles sont bonnes dans la mesure de l'être qu'elles ont, car l'être est ce qui constitue l'actualité de tout. C'est pour cela que l'être et le bon sont identiques en réalité. Note. Le mot être nous présente seulement l'idée d'existence, par opposition à ce qui n'est qu'à l'état de possible. Chaque chose, en effet, a un être substantiel qui est l'être à son premier acte. Le bon réveille l'idée du désirable, à raison d'une certaine perfection qui rapproche un être de son acte dernier. De cette sorte, les choses qui ont atteint leur plus haut degré de perfection sont appelées absolument bonnes, les autres sont dites bonnes sous certains rapports. L'acte premier de l'être contient déjà quelques bontés, et son acte dernier est encore l'être. Il est aisé de comprendre, par cette explication, ce mot de saint Augustin, en tant qu'être, nous sommes bons. De la doctrine chrétienne numéro 35. Et cet autre de Boèce, autre chose est d'être bon, autre chose est d'exister comme être, consolation philosophique. Fin de la note. 2. Notre esprit conçoit-il l'être avant le bon? La première chose dans les créatures, dit le livre des causes, c'est l'être. L'idée de l'être est effectivement celle qui se présente d'abord à notre esprit, car, pour parler comme le philosophe, les choses ne nous sont connues que tant qu'elles sont en acte. L'idée de l'être, exprimée par le nom, voilà l'objet propre de notre intelligence, celle du bon ne vient qu'après elle. Note. Exceptons, toutefois, l'ordre des causes, où le bon, qui est une cause finale, tient le premier rang, car, dans toute opération, la fin est cause des causes. Fin de la note. 3. Tout être est-il bon? Écoutons saint Paul, toute créature de Dieu est bonne, et Dieu est souverainement bon. Timothée 4, 14. L'être, c'est Dieu, ou une créature de Dieu. Or, d'après l'apôtre, toute créature de Dieu est bonne, donc tout être est bon. Par ce qui précède on a pu voir la preuve de cette vérité. En effet, tout être, comme tel, est en acte et parfait à un certain degré, puisque toute actualité de l'être est une perfection. L'être, considéré comme être, est donc bon. Note. Un être est mauvais pour manquer de quelques degrés de l'être, et non pas parce qu'il est un être. L'homme est mauvais pour manquer de vertu. L'œil est mauvais parce qu'il est malade. Fin de la note. 4. Le bon est-il une cause finale? Le bon renferme manifestement l'idée de cause finale. Qu'est-ce qui nous détermine à faire quelque chose, demande Aristote, sinon la fin et le bon? Par là même que l'idée du bon éveille en nous celle du désirable et que tout le monde recherche ce qui est bon, il y a évidemment là une cause finale. Voyez si le bon, dans la succession des causes, ne se présente pas comme un but qui détermine la cause efficiente à l'action. Le bon est donc une cause finale. Il n'en est pas moins une cause efficiente sous un autre rapport. Dans une série des faits, vous percevez d'abord comme cause efficiente l'être même, dont la perfection, à le considérer dans sa nature, consiste à produire un être semblable à lui. Mais, ici encore, la cause efficiente se rapporte à la fin et au bon comme à son objet propre. Aussi, quand saint Augustin disait « Dieu nous a créés parce qu'il est bon », il parlait de la cause finale. 5. Saint Augustin a-t-il bien caractérisé la nature du bon en le faisant consister dans le mode, l'espèce et l'ordre? Oui, assurément. Voici ses paroles, de la nature du bien chapitre 3, le mode, l'espèce et l'ordre se trouvent, comme biens généraux, dans tous les ouvrages de Dieu. Il y a beaucoup de biens où ces trois choses sont éminemment, et il y en a peu où elles sont imparfaitement, il n'y en a pas où elles ne sont point. Qu'est-ce que le mode? Qu'est-ce que l'espèce? Qu'est-ce que l'ordre? On entend par le mode, modus, la mesure qui détermine la substance d'un être. On entend par l'espèce le nombre des qualités qui, en spécifiant l'être, lui assigne une classification. On entend par l'ordre le but pour lequel l'être a été créé. Le mode, l'espèce et l'ordre, que l'écriture désigne par la mesure, le nombre et le poids, sont les éléments constitutifs de tout ce qui est bon. Note. Le mal est une certaine privation du mode, de l'espèce et de l'ordre. Ces trois éléments de toute bonté sont réputés mauvais par imperfection et par déplacement, par imperfection, quand ils sont inférieurs à ce qu'ils devraient être, par déplacement, lorsqu'ils ne sont pas unis aux choses qui devraient les avoir. Ces notions trouveront leur application dans les traités des actes humains, des vertus et des péchés. On y verra que toute action qui réunit le mode, l'espèce et l'ordre qu'elle doit avoir, est bonne, tandis que celle qui manque de l'une de ses qualités est mauvaise par la privation d'un bien qu'elle aurait dû avoir, le mal, c'est privation du bien. Le premier article de la sixième question nous montrera l'importance de celui-ci par rapport à la bonté de Dieu. Fin de la note. Les trois catégories du bon sont-elles l'honnête, l'utile et l'agréable? Quoique cette division, à la première inspection, ne paraisse convenir qu'au bien considéré par rapport à l'homme, néanmoins un regard plus approfondi fera voir qu'elle s'applique proprement au bien considéré dans sa nature même. Une comparaison empruntée à l'ordre physique nous rendra cette vérité sensible. Voyez le mouvement dans la nature. Les corps tendent vers un but. Pour arriver à ce but, ils emploient un moyen. Sont-ils arrivés au terme? Ils s'y reposent. De même, dans le mouvement de la volonté, il y a un but recherché comme bon, c'est-à-dire un terme désirable en soi, voilà l'honnête. Il y a ensuite une sorte de milieu que l'on traverse pour aller au but, c'est le moyen désirable en vue de la fin, voilà l'utile. Il y a, enfin, ce qui arrête et fixe le mouvement de la volonté par la jouissance de l'objet désiré, c'est l'agréable. L'honnête, l'utile et l'agréable, ainsi qu'on le voit, ce n'est autre chose que le bien envisagé sous trois points de vue. Note. Article important pour comprendre certains principes que l'on verra dans la suite, tels que celui-ci, tout être agit pour un bien, et encore, l'être ne peut se proposer que le bien. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.